Hard Rock Summer était ton hymne, ta chanson préférée. Hard Rock Summer hantait toutes tes journées. Hard Rock Summer était ton hymne, ta chanson préférée. Hard Rock Summer hantait toutes tes journées. Hard Rock Summer, tu m'as tué en plein cœur de l'amour. Hard Rock Summer, tu t'es fait ça. Ta chanson préférée, Hard Rock Summer hantait toutes tes journées.